France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Hier, nous étions en Anjou, à Bourgneuf-en-Mauges, une bourgade entourée par les champs. Souvenez-vous, nous avons entendu l'histoire du village racontée par les Viconovéens, les habitants du bourg. Nous entendions les récits de Joseph, fan de belote, qui a passé sa vie à Bourgneuf et qui organisait un match de foot au milieu du pré aux vaches pendant la guerre. Puis Louis, qui a travaillé toute sa vie dans sa ferme. Avec l'arrivée de la retraite et l'envie de bien vieillir, il a choisi d'emménager dans une maison individuelle. Du passé agricole au présent résidentiel, le parcours des habitants dessine une trajectoire commune à celle du développement du village. La suite de notre promenade à Bourgneuf, avec comme guide Boris Pinault et Delphine Lemaire. Chaussez vos bottes, il a beaucoup plu. T'as connu là tout ça, c'était des champs quand même. Ah bah oui. Oui, bah oui. Ah oui, tout ça, oui. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, bah oui. Ça fait, ah bah oui, hein. Ça fait combien que tu y es à Bourgneuf, toi? Bah depuis 60. Ah bah oui. 60, 1960. Ah bah oui. Ça fait déjà un petit moment. Ouais. Ah bah ça s'était pas construit, hein. Bah non. Bah tout ça, il n'y avait rien, hein. Il n'y avait rien. Il y avait le ruisseau, mais on le voit encore le ruisseau, mais il n'y a rien dedans. Oui. Non. Où je suis maintenant, bah c'était pas construit. Puisque, comment dire, j'étais dans le bourg. Bah oui. Là maintenant, je suis dans la banlieue. J'appelle ça la banlieue, moi. Le bourg, c'est devant l'église. c'est le bourg quand même. Hein. Voilà. C'est comme ça. Je viens d'en boire, toi tu voyages à pied, viens d'en boire. Je voyage à pied. Bah oui, je dis pas, un petit peu, quand il fait beau temps. Bah oui, il faut ramener. Faut que le soleil me... Oui, bah moi c'est un peu pareil. Et puis quand il fait... Je suis difficile. Un jour qu'il fait trop de vent, je ne vais pas sortir. Oh, bah non. Il tombe de l'eau, bah encore moins. Oui. Quand il fait un peu de soleil, oui, là. Oui. Allez, hop, on va partir. Ça va, la santé, ça va. Oui, ça va. Voulez-vous tout, hein. Faut bain, hein. Ah, ben, faut bain. Faut bain, on n'a pas le choix, hein. Non, on a nos quatre murs, maintenant, hein. Bah oui. Oui. C'est comme ça, que voulez-vous. À Bourgneuf-en-Mauges. Épisode 2. La balade de Monique. Mon nom, c'est Monique, mais normalement, j'ai été baptisé sous le nom de Roland, alors. C'est parce que Roland, c'est l'état civil, je sais pas, justement, ils n'ont pas voulu me baptiser, justement, sous le nom de Roland. C'était compliqué, là, à ce moment-là. La petite commune de Bourgneuf-en-Mauges, où j'ai grandi, compte 700 habitants. Dans le bourg, l'église aux deux clochers sonne l'Angélus à midi et couvre le bruit des moteurs. À cette heure, les voitures sont nombreuses à emprunter le rond-point tandis que les villageois se croisent au dépôt de pain. L'école primaire publique du Petit Anjou est devenue la seule du village et la bibliothèque municipale ouvre chaque week-end. Pour s'y rendre, on pourra emprunter la route qui passe près du terrain de basket dont le sol se craquelle par endroits. Le paysage de Bourgneuf-en-Mauges a bien changé depuis les années 50. Des lotissements se sont construits autour du bourg. Le chemin là, oui, moi je me souviens, où quel lotissement en dessous là-bas. Je me souviens que c'était un champ à pierre bureau. Je me souviens des vaches qu'il y avait dedans, au rond-point du bas, là, qui avait pas les maisons, enfin, qui a les maisons aujourd'hui, mais je me souviens du champ là. Ça, je m'en souviens de celui-ci. Les champs. C'était des champs. C'était que des champs. C'est que des champs. Monique Bossot est une agricultrice retraitée. Elle vit toujours dans la fermette qu'il l'a vue naître, au lieu-dit des Barreilleries. Bonjour Monique. Autrefois située en périphérie du village et isolée dans les champs, la fermette de Monique est à présent reliée au bourg par un lotissement. Il faut se couvrir. Bordée de maisons neuves, la rue des Sources est apparue dans les années 2000. C'est là que Monique se promène. Alors on se met en marche, on est bien couvert. Sa fille Morissette nous accompagne. Bon, alors on part par où là? On descend. On avait 4 vaches, alors c'était pour nos vaches qu'on faisait. On avait pour grand, on avait quoi? 1 hectare et quelque chose, c'est tout, autour de la. Devant, de là, un champ devant, et puis là, un côté de la maison. Et puis là, les petites parcelles qu'on avait en bas là. Là, par contre, moi, je me souviens plus, là. Il y avait quoi, là? Bah, c'était des champs. Des champs, c'était que des champs. Après, là, il y avait... Ça, c'est Monsieur Cognier, là. C'était les deux fermes de la barrière. La balle et puis la pas au lavoir. Il n'y avait que ça, en fait, les trois fermes. Oui. Ouais. En 2015, Bourneuf-en-Mauges a fêté ses 150 ans. La même année, le village est devenu commune déléguée de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire, née du rassemblement de 11 localités voisines. L'objectif est de rassembler les moyens et les outils tout en tentant de maintenir l'identité des communes fondatrices. La foire au Bic continuera d'avoir lieu tous les 1er mai à Bourneuf. C'est la première fête communale du coin quand les beaux jours arrivent. Jacques Rétoré, maire de Bourneuf-en-Mauges. Je suis maire depuis 17 ans bientôt, donc je suis élu depuis 1989, donc j'ai fait un mandat de conseiller, un mandat d'adjoint et c'est mon troisième mandat de maire avec le chamboulement des communes nouvelles parce que maintenant je ne suis plus maire, je suis maire délégué de Bourneuf. Le développement d'un village comme Bourneuf, ça peut passer par autre chose que la construction de lotissements ? Pour moi, ça passe encore par le développement de lotissements uniquement parce qu'on est dans un seuil qui est devenu trop critique. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de population pour maintenir le minimum, pour maintenir une école, un commerce alimentaire, puis nos associations sportives, culturelles, tout ce qu'on veut. Le reste, on le fera de manière intercommunale. Donc, moi, je n'ai pas la prétention qu'à Bourneuf, on soit 1000 habitants, ça ne sert à rien, mais il faut quand même qu'on ait le seuil minimum. C'est jamais rentable, un lotissement d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'il coûte 60 euros du mètre carré et on le vend moins cher. Si la commune ne le fait pas dans les petites communes, personne ne le fera. C'est clair. Les investisseurs privés ils viennent là où c'est intéressant pour eux. Donc dans nos petites communes, on est obligé d'investir sur nos lotissements. Mais ce que je souhaite pour Bourneuf, c'est qu'on arrive à faire ce qu'il faut pour conserver au moins ce qu'on a, voire créer une nouvelle structure. L'idée, c'est pas de créer des grands centres commerciaux dans certains endroits, mais c'est de garder une dynamique commerciale dans tous les centres-bourgs. À notre échelle, c'est-à-dire les communes de moins de 1000 habitants, c'est le maintien du dernier commerce. Là, il y avait même un petit passage, je crois bien qu'on passait. Il y avait c'était des champs. Oui, oui. Là-bas, il y avait des arbres. C'était de la terre. C'était des petites parcelles. Quand c'est que j'y faisais tomber beaucoup d'eau, les champs étaient couverts d'eau par là. Il y avait un grand champ là, oui. Il avait des pommiers dedans. Mais il n'y en a plus. Là, on est en bas de la rue des Sources. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui devant nous ? C'était que des champs. C'était que des champs là aussi, il n'y avait pas de maison là non plus. Hein. Toutes ces maisons n'existaient pas. Et puis ce chemin-là, c'était un chemin en terre, il n'y avait pas de maison. Et c'était bordé de champs également ? C'était que des champs là, de chaque côté c'était que des champs. Il y avait des arbres tout le long, avec du noé de chaque côté. Et c'était un chemin en terre. Et elle s'appelle la rue du Châtaignier, elle. Elle s'appelle la rue du Châtaignier, c'était un chemin de terre quand j'étais jeune. Pierre Angebault est viconovéen de naissance. Les viconovéens, ce sont les habitants de Bourneuf-en-Mauges. Donc là, jusqu'au bout, c'était que des champs. Alors, hein. Je ne peux pas vous dire plus. Et alors aujourd'hui, le paysage, vous pouvez le décrire ? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, c'est une rue avec des maisons de chaque côté. N'est-ce pas ? Maître d'œuvre concepteur de métier, il a construit quelques-unes des maisons individuelles que compte le village. La rue de la Cité, le lotissement du Chêne, la rue des Châtaigniers, le lotissement des Sources, se sont construits au cours des dernières décennies. J'ai fait cela en 80 qu'on a fait ça, ces maisons-là. Celle-là, là ? Oui, celle-là ou une autre plus loin, là-bas aussi. Ouais. On va chasser les microbes avec ce rond-là. Il faudrait plus de froid pour chasser les microbes. Vous avez passé toute votre vie à Bourneuf ? Pas toute ma vie, j'ai passé mon enfance. Puis je suis revenu dans les années 77 quand je me suis installé. Quand vous avez installé votre entreprise à Bourneuf ? Oui, je suis revenu là, sur Bourneuf. Bourneuf, c'est cité dortoir. Moi j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu d'usine à Bourneuf. La preuve, il n'y a plus rien. À part un atelier de menuiserie, un couvreur, un dépôt de pain. L'entreprise horticole. Horticulture, voilà. Et à part ça, à Bourneuf, il n'y a plus grand-chose maintenant. Hein. Les gens travaillent à l'extérieur de Bourgneuf, mais font construire à Bourgneuf. C'était quoi le moment où on a commencé vraiment à beaucoup construire dans les lotissements? C'était les années 80 jusqu'à 95, quoi. C'est là qu'il y a eu le plus, qui s'est fait le plus de maisons. Il y avait beaucoup d'avantages déjà par l'État, parce que l'État, il y avait quand même des APL, il y avait plein de choses qui faisaient qu'il y avait des prêts à taux zéro. Il y avait des choses qui étaient faites qui permettaient aux gens de pouvoir faire construire. Parce que ici, c'est agricole, c'est ouvrier beaucoup. Donc c'est par là, c'est pas des salaires mirobolants. On est une commune spécifiquement agricole. D'ailleurs, pour l'anecdote, aujourd'hui, on n'a pas d'usine à la campagne chez nous. Dans les Mauges, c'était considéré... Les Mauges, c'est notre pays, des Mauges. Il y a 70 communes à peu près. Il y en avait 62 ou 63 qui avaient une usine. Entre 50 et 70, dans toutes les communes, pratiquement, se construisent une usine. Une usine de chaussures ou de vêtements. Et puis, il n'y en a pas à Bourgneuf. Alors, on est quelques communes à ne pas en avoir. Pourquoi ? Parce que à l'époque, le conseil municipal est uniquement constitué d'agriculteurs. Il est hors de question de laisser une terre pour faire une entreprise. Si Eram était venu s'implanter à Bourgneuf, parce que ça c'est très très vieux, ça c'est au temps de mes parents, moi j'ai pas connu, hein, c'est mes parents qui m'avaient raconté ça. Eram au départ voulait s'implanter à Bourgneuf. Donc Eram Chaussures Bioto, qui était à Saint-Pierre-Montimard, voulait faire une usine à Bourgneuf. Parce que Bourgneuf, c'est un point central pour ses camions. Direction La Pommeraye Mont-de-Jean vers la 23, direction Chalonne, qui va se ranger aussi, direction Cholet par Sainte-Christine, c'est vraiment un carrefour. Donc c'est vrai, ça permettait de dispatcher après dans ces autres usines qu'il aurait pu avoir ailleurs facilement, et donc il aurait voulu faire une usine de chaussures assez importante à Bourgneuf. Mais à l'époque, le maire de Bourgneuf était agricole, et les agriculteurs n'étaient pas très chauds qu'une usine vienne s'implanter à Bourgneuf. Donc l'usine s'est pas faite. Si on prend des exemples de communes, parce que en 1900 on était 500 habitants à peu près, toutes les communes qui avaient 500 habitants qui ont accepté une usine aujourd'hui sont autour de 1000 habitants. Nous on est à 700 aujourd'hui parce que il n'y a pas eu cette évolution démographique du fait de la proximité de l'usine. À l'époque c'était, on va pas dire les circuits courts, mais les liaisons courtes. Les gens naissaient dans leur commune, vivaient dans leur commune, travaillaient dans leur commune. Et celui qui voulait faire construire après les années 70 faisait construire proche de son usine. Pourquoi ? Parce que de son lieu de travail, je veux dire. Pourquoi ? Parce que il y avait moins de voitures, les déplacements n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui. Puis on va y revenir. Quand on allait à l'école, on était loin du bourg quand même. Comment vous y alliez alors ? À pied. Et vous coupiez à travers champs ? Non, c'était toute la route. On prenait la route de Saint-Quentin. Mais même on passait par le petit lavoir. Des fois, ça arrivait, oui. Il y avait un petit chemin, mais bon, c'était pas très sécurisant. Pourquoi ? C'était dans le noir. Il y avait moins de voitures qu'il y en a aujourd'hui. Donc on passait par le côté de la route. Là, on est dans un petit chemin qui se faufile entre les maisons. On arrive au petit lavoir là, d'accord. Tout ça a été replanté, tout ça. Oui, c'est les haies des nouvelles maisons qui se sont construites. Oui. Quand on venait à laver le linge là, qu'est-ce qu'il a changé? Vous l'avez connu en activité, le laveur? Moi j'y suis venu laver. Le lundi, ça causait tout ça. Ça parlait de quoi? Je me rappelle plus, mais le camarade, oui, comme il dit. mais j'en reviens pas. Alors dans le temps, les gens travaillaient sur place, ils se rencontraient tous les jours, il y avait beaucoup de commerce. Alors quand je dis beaucoup de commerce, c'était des petits points d'alimentation ou les cafés. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un point relais boulangerie avec un peu d'épicerie, puis nos deux restaurants. Les restaurants, ils sont plus beaucoup fréquentés par la population de Bourgneuf. En fait, c'est des restaurants de routiers, c'est des gens de passage. Aujourd'hui, ben, on est rendu à 8000 véhicules jour dans un centre-bourg d'une commune rurale de 700 habitants qui a été construite avec ses quatre départementales pour la voiture, pour la circulation en tout cas. Le côté agréable de Bourgneuf, il n'est pas extraordinaire. On est dans un carrefour qui est quand même assez gris. Sur les 8000 véhicules jour, on doit avoir 15 ou 16% de camions. Donc ça génère des risques, ça génère du bruit. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué. Dans le centre-bourg, au pied de l'église, le restaurant Les Deux Clochers propose un menu ouvrier à moins de 11 euros. À quelques pas de là, vers 13h, le relais de la Boule d'Or fait lui aussi le plein. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici ou vous venez... Oh non, on vient assez régulièrement. C'est dans le cadre de vos déplacements professionnels? Ah oui, par le boulot, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Le travaux public. Et ça consiste en quoi exactement votre métier? Bah, le terrassement, tout, hein. La terre. Le travail de la terre. Bourgneuf, c'est un passage obligé, justement, dans vos déplacements? Vous êtes... On a pour d'autres restaurants en retour de chez nous, alors... On vient manger à Bourgneuf. Vous arrivez d'où, là? Là, on arrive de 50 ans en Mauges. Venir au relais de la Boule d'Or, c'est une habitude? Oh oui, oui. Vous vous êtes laissé tenter par quoi? Bah, par le jambon. Jambon frites. Jambon frites. Bon appétit. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous regardez le foot en même temps, voilà. La télé dans le restaurant, voilà. C'est pratique. Voilà. Vous faites quoi comme métier dans la vie? On est carreleur. Vous allez sur un chantier là après? Ouais. Où ça? À la Pommeraye. Ah oui, bah, tout près de mon avis. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Étienne, l'un des anciens de Bourgneuf-en-Mauges, a ouvert la Boule d'Or en 1956. On le retrouve à sa table. Je me souviens... J'ai commencé mes premières fois à 3 francs 50. Au départ, à la Boule d'Or. Et après, bah, ça repense un petit peu. Votre fille, Maryse. Ah. Bonjour. Vous, Maryse, vous êtes la nouvelle propriétaire du relais de la Boule d'Or avec votre mari, Gérard. C'est ça. Mes parents ont arrêté en 90. Et donc, nous, on a repris en 98. Donc on fait la partie restauration, la partie hôtel, la partie tabac, et les journaux, et les Françaises des Jeux, voilà, les jeux à gratter. Et Bourgneuf compte un autre café, les Deux Clochers, là, situé juste à côté, voilà, de l'église. Ouais. Il y a toujours eu deux cafés, hein. Il a toujours existé. Hein. Ouais. C'est bien, ça permet, les gens au bout d'un moment, viens, on va le voir de l'autre côté. C'est un carrefour, c'est passager quand même, donc forcément que ça dynamise un peu le centre-bourg. Ben on enlève les deux cafés, puis il n'y a plus rien. Les deux restaurants, puis il n'y a plus grand-chose. Non, c'est dommage, parce que c'est vrai comme on disait, tous les petits commerces, ben c'est parti. Les gens s'en vont faire leurs courses en grande surface, et puis ça meurt petit à petit. Le café, c'était quand même un lieu où il y avait beaucoup de gens qui se rassemblaient quand même. Plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, au café le soir, il n'y a plus grand monde. Hein. Ce qui les fait vivre, je pense, c'est plus le parti restaurant. Les deux restaurants de Bourgneuf, mais je suis sûr qu'ils font tous les midis, chacun peut-être bien pour moins de 100 couverts, ou 80, ou 90, ou 60 couverts. Hein. Parce que ça marche bien, les restaurants à Bourgneuf. C'est réputé, et puis c'est un carrefour. Hein. Tous les gens qui travaillent viennent au restaurant à Bourgneuf. Mais le soir, il n'y a plus de vie dans les cafés comme il y avait dans le temps. Les gens, il y a la télé, il n'y avait pas la télé dans le temps. Moi, je viens me promener dans Bourgneuf le dimanche. On voit quelques coupes qui se promènent. Je trouve que c'est le soir, là, il fait un peu noir. Si les volets sont pas fermés, vous allez avoir toutes les télés qui marchent dans toutes les maisons. Les gens sont tous à la télé. Vous allez le soir vous promener à Bourgneuf l'été, qui fait très beau. On rencontre pas plus de 2 ou 3 personnes, hein, à se promener. Les gens sont chez eux. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, qu'est-ce qu'on faisait le soir? Devant, chez mes grands-parents, il y avait un banc, et les gens allaient discuter là. Et on passait les soirées entières à discuter. Il y avait des voisins à droite, des voisins à gauche, des voisins d'en face, des voisins... on se retrouvait, tout le monde a discuté. Alors il y avait un grand banc, tout le monde était sur le banc, d'autres étaient assis sur le trottoir, et le soir ça discutait jusqu'à ce qu'il fasse noir. Aujourd'hui, vous êtes dehors, vous n'avez pas une personne dehors. Tout le monde est renfermé à la télé. Mais il y a des éléments de solidarité qui sont non organisés, qui se font naturellement. On a vu des exemples de personnes en difficulté qui se retrouvaient avec un panier de salade ou de légumes le matin devant sa porte. Et ça arrive encore. On le voit bien, quand il y a un spectacle, quand il y a une fête, etc., les gens se connaissent, se parlent. Bon, il y a quelques individus un peu à côté, mais globalement, ça continue bien quand même. Ma crainte à un moment, ça a été que dans nos lotissements, on ait des gens qui viennent que pour y dormir. C'est-à-dire qu'on devienne une sorte de résidentiel accessible parce que le terrain était moins cher que la commune d'à côté. C'est un peu la crainte. Et puis la population, il y a une partie qu'on voit peu finalement. La population âgée, on la voit facilement. La population active, ils partent le matin, ils reviennent le soir. C'est quand même une réalité de nos petites communes, ça. Les nouvelles familles qui arrivent, le seul lien d'entrée dans la vie sociale d'une petite commune, avec peu d'activités, c'est effectivement l'école. C'est-à-dire que, moi, ma femme, elle n'est pas de Bourgneuf, elle a commencé à connaître les gens quand on a mis nos enfants à l'école. Tout simplement. Donc, faut pas attendre que les gens se rencontrent, faut provoquer aussi les rencontres. Donc c'est pour ça qu'on avait fait la salle, pour avoir une petite activité associative, culturelle dans notre salle, parce qu'il faut trouver des lieux de rencontre. Madeleine. C'est une voisine ? Oui, c'est elle, elle a l'habitude de la route de la Pommeraye. Madeleine, elle n'est pas sortie de Bournac, elle a dit qu'elle est venue d'autre. On se connaissait plus qu'on connaît les gens à présent. Parce qu'il y en a, je ne connais même pas dans la rue de la Source. C'est pas comme autrefois. Et voulez-vous, en fait, c'est la vie qui évolue, faut bien. Il y a peu, de l'autre côté de chez Monique, on a découpé des champs. Une route en cours de finition serpente entre des parcelles encore vierges. Les coffrets de distribution EDF marquent chaque emplacement. 23 lots sont désormais disponibles pour autant de projets potentiels de maisons individuelles. Bientôt, les Barailleries ne seront plus le nom d'un lieu-dit, mais celui d'un tout nouveau lotissement. Le nouveau lotissement, ça démarre d'une offre de la mairie ou ça démarre de la sensation d'une demande ? Ah non, ça c'est l'offre de la mairie, c'est pas la demande de la population. Aujourd'hui, on a du mal à le vendre parce qu'on le commercialise pas très bien. Mais s'il y avait une attente de l'extérieur, il y aurait 3 maisons de construites aujourd'hui. Il y a à peine un an qu'on l'a lancé, on a une seule construction. Là on voit bien, on a visité la rue des Sources tout à l'heure qui vous relie à présent au bourg. Oui. Là, ces nouveaux lotissements qui se construisent, ils se situent derrière vous de l'autre côté. Oui. Donc vous passez d'une borderie isolée dans les champs à une borderie qui est en passe d'être encerclée par les maisons. Oui, vous ne serez pas toujours là, moi. Alors c'est ce que je suis. Alors c'est ce que je suis. Il faut bien que ça évolue. Ah, oui. Voyez-vous, c'est le changement. Hein. C'est le moderne. Il s'en est construit, des maisons, c'est sûr. C'est bien, elle est toute seule, donc elle a des voisins proches maintenant, c'est bien. Je laisse Monique rejoindre sa fermette et file la route nouvelle qui circule dans le futur lotissement. Tout au bout, la première maison s'offre à la vue. Les murs de crépi sont immaculés, la porte d'entrée encore bâchée. Bonjour. Je débarque en pleine journée de travail. Les futurs propriétaires s'attaquent aux peintures. La maman d'Audrey est venue donner un coup de main. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter peut-être la maison ? Là, on est dans une grande pièce de vie avec des grandes baies vitrées. Donc, il y aura cuisine, salon et salle à manger dans la pièce de vie. Alors là, on passe dans un couloir. Donc là, il y aura la salle de bain. Là, ce sera notre chambre. Donc là, soit ce sera le bureau, soit ça sera la chambre de nos enfants, quand on en aura. Alors moi, je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans. Et mon copain Sébastien, qui a 26 ans. On a le projet de s'installer donc à Bourgneuf, dans le nouveau lotissement. Parce que mon copain, il travaille sur Bourgneuf. Donc c'était côté pratique. Nous allons déménager d'ici 15 jours environ. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis aide-soignante en maison de retraite. Où ça ? À Savenir. Un peu plus près d'Angers, un peu plus près de la ville. Oui, c'est ça. Vous habitez où, là, pour le moment ? On habite sur Bourgneuf, en campagne. Bonjour. Vous, vous travaillez à Bourgneuf ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis ouvrier avicole. Donc, mon patron est sur Saint-Macaire. C'est un site d'élevage de poules pondeuses. Donc, j'ai 3 bâtiments à Bourgneuf où je m'en occupe. Et là, pour le moment, vous habitez, je crois, justement, tout près de l'exploitation. Oui. C'est une maison de mon patron qui nous la loue. C'est pratique d'habiter tout près de l'exploitation. Pourquoi est-ce que vous voulez déménager ? Au moins, on payera quelque chose qui sera à nous, au lieu de donner des sous au patron. Si vous pensez. C'est pas grave. Vous savez si des gens ont déjà des projets justement sur les autres parcelles ? Non. Bah, on espère qu'on aura des voisins quand même. Vous connaissez déjà bien Bourgneuf ? Bah non, parce que on n'essaye pas non plus de s'investir dans Bourgneuf. Après, c'est compliqué. Enfin, on a notre travail, on travaille le week-end. Mais après, on pense que quand on aura des enfants, ça facilitera la chose. Pourquoi ? Quand l'enfant ira à l'école, c'est plus facile de se sociabiliser. Parce que là, hormis aller chercher le pain à Bourgneuf, on n'y fait rien d'autre. Donc, je pense que ça sera plus facile. Vous avez ce désir-là de rencontrer les habitants de Bourgneuf, de vous rapprocher un peu d'eux ? Oui, pourquoi pas. L'histoire de Bourgneuf-en-Mauges pourrait être celle d'un village normal, commune à de nombreuses bourgades de moins de 1000 habitants. À quelques détails près. Ouais, donc moi je m'appelle Romain, j'ai 36 ans. Je vis sur la commune de Bourgneuf depuis que je suis tout petit. Et je m'y trouve bien en fait. Ouais, je trouve que c'est une belle petite commune sympathique. Je suis aussi le petit-neveu de Joséphine, la doyenne du village, qui va tranquillement sur ses 105 ans. J'ai toujours été passionné par la musique, plus spécialement dans les musiques metal hardcore. Et le jour où je me suis acheté ma première guitare, en fait, j'ai rencontré dans le club de tennis de table un gars qui joue de la guitare, Cyril. Il m'a donné mes premiers cours et de fil en aiguille, on s'est dit tiens, pourquoi pas monter un groupe ensemble. Et voilà, on a commencé. Ça fait quand même maintenant plus d'une dizaine d'années. Ouais. Donc, on a joué 2 fois à la fête de la musique à Bourgneuf. Notre groupe s'appelle Nosebleed. Petit nom sympathique qui vient du fait. C'était une personne justement du conseil municipal qui était venue. Il était venu à la base, c'était justement pour qu'on joue, c'était au tout premier week-end culturel, en voulant faire le fier. Il n'a pas voulu mettre de bouchons d'audition, de protection. Et en ressortant, il a saigné du nez un peu. Donc, côté nosebleed, saignement de nez, c'est venu de ça. Quoi. C'est un petit clin d'œil. À Bourgneuf-en-Mauges. Un documentaire de Boris Pinault et Delphine Lemaire. Merci à Monique, Pierre, Jacques, Étienne, Maryse, Gérard, Audrey, Sébastien, Romain, Henri et tous les habitants de Bourgneuf-en-Mauges. Prise de son, Jean-André Gianecchini. Mixage, Claude Nior. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Krenloun dans Les Pieds sur Terre pour d'autres récits et d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous partirons dans le massif des Diablerets. Il va faire très froid. Restez près de moi, car je n'ai pas envie de vous perdre. Mais c'est une autre histoire.